Salut, vous êtes sur un c'est un podcast de Radio Cayenne. Aujourd'hui, on va interroger deux personnes qui vivent à Pure pour parler un peu de la situation là-bas, de la présence de gendarmerie, comment qu'elle a changé, de l'endroit aussi et de tout ce que vous voulez aussi y mettre. Du coup, on va commencer peut-être par faire un petit historique. Ouais, c'est possible, ouais. Il faut savoir que la question des déchets nucléaires s'est posée en France au niveau des années 1980-85, quand ça a été interdit de les foutre dans l'océan. Du coup, la France a essayé de. Enfin, s'est dit bah, pourquoi qu'on les mettrait pas sous la terre? Et donc, ils ont choisi quatre départements pour essayer de voir les couches géologiques. Bon, pas de pot pour eux, ces quatre départements, c'était des départements assez peuplés et qui se sont très vite rebellés. Donc ils ont abandonné ce premier projet. Et quelques années après, il y a eu la loi Bataille. Alors je suis pas très douée sur les années, du coup je vais pas les dire précisément. Pas de soucis. Du coup, loi Bataille, du nom du ministre Bataille, ministre de l'écologie, je crois, qui du coup met en place. Notamment les conditions de ce stockage qui seraient souterrains, du coup les départements sélectionnés recevraient beaucoup d'argent et surtout privilégier les départements où il y a beaucoup moins de population. Donc il y a quatre départements de nouveau qui sont choisis. Il y en a deux où il y a de la résistance et du coup ils abandonnent de ce côté-là. Et donc il reste la Meuse et la Haute-Marne, qui sont deux départements voisins dans l'est de la France. Et ça tombe bien que ce soit deux départements collés, du coup ils peuvent faire plus de choses. Et notamment ils commencent à étudier le sol. Bon, ils trouvent une couche argileuse assez cool pour eux. Il y a la loi CIGEO qui arrive, et du coup cette loi CIGEO dit ok, on va installer un labo de recherche à la limite entre ces deux départements. Et dans le même temps, on va verser. Alors à l'époque, c'était en francs, mais c'était 5 millions de francs par an par département. Et du coup, ils font ça. Il n'y a pas beaucoup d'opposition. Il y a quand même un peu d'opposition. Il y a du sabotage, mais pas énormément. Et surtout, il y a quand même le début de la présence de policiers, mais pas beaucoup. Genre une patrouille, même pas. Et plus tard, ils font le labo. Les habitants comprennent qu'ils sont un peu floutés et tout ça et tout ça. Et notamment lorsque, en 2016, l'Andra commence à prendre position sur le Bois-le-Jus. Ils n'ont pas encore la propriété du Bois-le-Jus, donc sous lequel va se situer les déchets. Ils n'ont pas encore la propriété, et pourtant ils décident d'y construire un mur pour empêcher tout type d'occupation, notamment ou de manifestation. Et donc ce mur fait 3 km de long, et les opposants qui commencent à être plus nombreux dans le coin décident de réagir et d'aller péter ce mur. Donc ils vont péter ce mur. Il y a très belle vidéo sur ça. Et en même temps, ils décident d'occuper le Bois-le-Jus. Et c'est la deuxième tentative d'occupation de ce bois. Il y en avait eu une un mois avant, mais qui n'avait pas tenu. Et donc là, cette occupation va tenir 2 ans, précisément 1 an et demi et quelques. Et durant ces 2 ans, il y a vraiment beaucoup d'opposition. Il y a une manif, du coup, en février 2017. Notamment le 14 février 2017, qui s'appelle Déclare ta flamme à l'Andra. Donc c'est une manif qui va partir de Bure, qui va aller jusqu'au labo, qui est à 4 km de Bure, avec des flambeaux de nuit. Et il va se passer un moment où il y a un flambeau qui va malencontreusement atterrir dans la cuisine de l'hôtel-restaurant de l'Andra. Donc, la police dira que c'est une tentative de mettre le feu et la justice dira que c'est une tentative d'assassiner des gens. Oui. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que la répression judiciaire va se mettre en place. C'est qu'à ce moment-là, les opposants ne savent pas du tout, mais il y a le début de l'association, de l'enquête pour l'association de malfaiteurs qui est ouverte. D'accord. Mais les opposants n'en savent rien à ce moment-là. 14 jours plus tard, il y a une autre énorme manif du 28 février où les grilles de l'ANDRA, les grilles de protection autour du labo de l'ANDRA, tombent. Il y a des flics et tout ça, mais les grilles autour de l'écothèque, donc le bâtiment à côté, tombent. Il y a énormément de manifestants. Il y a l'utilisation des premières grilles F4 à Bure. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est une autre action qui est mise dans l'association de malfaiteurs. Qui rajoute des actions à ce dossier jusqu'en septembre 2017, où ils font une première perquisition à la maison de la résistance à Bure, où ils n'arrêtent personne. Ils prennent beaucoup, beaucoup de choses sous scellé, notamment tous les ordinateurs, tout ce qu'ils trouvent de technologique. Ouais. Il y a deux autres lieux qui sont perquisitionnés en même temps. Et là, c'est à ce moment-là que les opposants découvrent qu'il y a l'association de malfaiteurs. En février, le 22 février 2018, il y a du coup l'expulsion du Bois Le Jus, qui se passe très très tôt le matin, totalement par surprise, et avec énormément, énormément de flics. Alors, légèrement avant l'expulsion, à partir de septembre, de la perquisition de septembre, il y a une présence constante de gendarmes sur le lieu. Qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est patrouille, contrôle d'identité. Février 2018, il y a l'expulsion du Bois Le Jus. Il y a aussi l'intrusion dans la maison de la résistance. Et donc toutes les personnes en fait, présentes ont été arrêtées et placées en contrôle d'identité. Ce qui fait quand même un sacré paquet de personnes. Du coup, jusqu'à juin 2018, il y a diverses actions. Il y a des gens qui retournent dans la forêt pour essayer de voir dans quel état sont les cabanes, comment ils les cassent et tout ça. Il y a les manifs du 3-4 mars 2018, où le but c'était pas de reprendre le bois, mais c'était de placer une vigie de surveillance en face, qui n'a jamais pu se faire, parce qu'il y avait trois compagnies de flics sur place, de gendarmes. Il y a une présence constante d'un camion de gendarmes juste devant la maison de la résistance, juste de l'autre côté de la rue, est plusieurs fois chahuté, on va dire. Il faut dire qu'il fait moins 15 degrés à ce moment-là. Ouais. Et les gendarmes, ils sont pas faits pour vivre à moins 15 degrés, visiblement. Ils aiment pas. Surtout quand on les arrose avec de la flotte. Et donc cette occupation permanente avec énormément de gendarmes va durer jusqu'à juin. Et puis progressivement, ils vont enlever un peu de troupes un peu partout par là, par-ci par-là, parce que ça coûte très cher. Et ils vont quand même laisser une compagnie constamment sur Bure. Enfin sur Bure, quand on dit sur Bure, c'est Bure et ses alentours. Qui font des patrouilles, qui contrôlent, de temps en temps arrêtent des personnes. Le 16 juin du coup 2018, il y a une grosse manif à Bar-le-Duc, qui est la préfecture de Meuse, et qui se passe très très bien. Et 4 jours après, il y a la deuxième vague de perquisition. Et du coup là, c'est vraiment un gros coup. C'est 14 lieux perquisitionnés en simultané. Pas que sur place. Il y en a, du coup, il y a un lieu à Paris qui, du coup, est l'avocat Étienne Ambroselli qui s'occupe de beaucoup de cas à Bure. Il y en a quelques-uns dans le sud de la France et surtout, il y en a beaucoup à Bure et aux alentours. Ok. Et du coup, dans ces 14 perquisitions simultanées, il y a tout le matériel informatique de prix. Il y a tout le matériel qui pourrait nous aider à nous organiser. Il y a tout le stock médic. Il y a énormément, énormément de choses. Ce qui fait du coup qu'on se trouve plus ou moins dépouillé en fait, de pas mal d'outils. Et puis c'est un gros coup judiciaire. Il y a 7 personnes, non, 5 personnes sur le moment qui sont arrêtées, qui passent jusqu'à 68 heures en garde à vue. Non, la limite pour l'association de malfaiteurs, c'est 72 heures. Ok. Sauf qu'ils ont été relâchés 4 heures plus tôt. Et ces personnes, du coup, n'ont plus le droit ni de se voir, enfin, plus le droit de rentrer en contact. Donc ça veut dire pas de se voir, pas d'envoyer des SMS, ni de mail, ni de quoi que ce soit, en fait. Par la suite, il y a 2 autres personnes qui vont être ajoutées dans les mois qui vont suivre. Du coup, ça fait que de temps en temps, il y a les flics qui débarquent un peu plus grand nombre et qui viennent interpeller une personne qui va passer 60 heures en garde à vue et ajouter à cette association de malfaiteurs et donc être interdite de territoire, être interdite de rentrer en contact avec les amis. Et donc, c'était un peu chaud à ce moment-là de vivre à Bure. Un peu paranoïde, quoi. Paranoïde, la déprime, enfin beaucoup de choses. Et au début de cette année, il y a eu un regain de motivation. Il y a eu des semaines d'activités qui ont été faites. Et puis il y a eu la tentative de réoccupation du bois, le jus, le 18 juillet de cette année. D'accord. Et donc cette tentative de réoccupation du bois Lejus, c'était surtout pour nous prouver à nous qu'on était capable de refaire une action, en fait. De refaire une action et qu'il puisse se passer sans répression et sans blesser. Et ça a été totalement réussi. Par rapport à la présence d'un gendarmerie, qu'est-ce qui a changé entre le moment où le mur de l'Andra tombe dans le bois de Lejus et maintenant ? Bah, y a eu une inversion complète du rapport de force. Moi, je dirais, pendant ces dernières années, depuis 2016, parce que pendant l'été, en fait, c'était assez simple et évident de faire des actions collectives, qu'elles soient spontanées ou qu'elles soient appelées, on va dire, comme par exemple la chute du mur. Et on ne voyait pas le coup de la répression directement. Et voilà, c'était assez simple de vivre sur place, dans le sens où on pouvait circuler, il n'y avait pas beaucoup de contrôle. D'identité, alors que maintenant il y a les flics qui tournent tout le temps dans le village et qui. En fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes pendant lesquelles les flics tournent tout le temps et font des contrôles d'identité, et du coup, c'est une pensée qui est un peu omniprésente de comment réagir au contrôle d'identité, qu'est-ce que c'est que refuser de donner son identité, et sinon. À part cette espèce de petit harcèlement au quotidien, il y a eu plein de procès pour des choses finalement qui n'avaient pas par rapport avec des actions. Par exemple, il y a eu plein de procès pour outrage ou rébellion. Enfin, c'est une forme d'action, je sais pas. Mais qui était comme une réponse à cette période pendant laquelle il n'y a pas eu autant de procès. Il y a une brochure, par exemple, qui fait la chronologie des procès qu'il y a eu et des enquêtes qui ont été ouvertes, qui s'appelle « État de la répression à Bure », qui est disponible sur le site, qui s'appelle burburbur.info. Voilà. Et dans cette brochure, en fait, c'est évident qu'il y a un moment de bascule et... Et, et que la situation policière elle change, quoi. Oui, du coup, je sais pas. Donc oui, c'est sûr, ça a changé. Mais en fait, oui, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on entend beaucoup que à Bure, c'est un terrain ultra militarisé, tout ça, que c'est pas possible de vivre, etc. J'ai envie de dire que ça vient pas de nulle part, c'est parce qu'il y a eu un gros coup d'action dans la période autour de 2016, et que, en fait, on n'a pas que à se défendre de la répression, j'ai l'impression qu'on lutte aussi contre la répression, et en fait, quand on en parle, moi je trouve ça intéressant d'y réfléchir d'un point de vue d'échange sur quelle stratégie policière et judiciaire est menée contre les lieux de lutte en général, et comparer, voilà, et échanger des informations là-dessus, mais pas de se victimiser, et en fait... sur place, il y a des moments où les flics tournent pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas impossible de faire des actions. Et d'ailleurs, il y en a qui ont été faites, même récemment. Et j'ai l'impression qu'il y a un redécollage d'énergie là dernièrement, avec la réoccupation dont tu parlais tout à l'heure en juillet. Et voilà, c'est ce que tu disais, c'est cette réoccupation, en fait, elle a été voulue aussi pour se redonner de l'énergie et pour montrer que, en fait, même si c'est une zone qui se veut super militarisée, c'est possible de faire des choses et de se réapproprier les lieux et d'y vivre et d'agir sur place. Et par exemple, là, il y a eu un choix collectif des personnes qui occupaient les arbres de refuser de décliner leur identité. Et par exemple, ça, je trouve que c'est une action qui est contre la répression, dans le sens pas de comment s'en défendre, mais vraiment comment s'organiser contre. Et voilà, je m'embrouille. Mais ce que je voulais dire, c'est que... pour l'instant, il n'y avait pas de poursuites. Après, moi, j'ai l'impression que les poursuites, elles viennent après coup. Donc, je ne dirais pas que c'est 100% réussi sur ce plan-là, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi sera nourrie l'association de malfaiteurs demain, ou les nouvelles. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est fini après une garde à vue. Au niveau de la stratégie de com' de l'ANDRA et de l'État, il faut dire qu'ils sont quand même assez forts. Enfin, ils osent, en tout cas, ils osent des choses. Ils osent des choses. C'est en mode, plus c'est gros, plus ça passe. Et du coup, est-ce que vous auriez quelques anecdotes un peu rigolotes à raconter par rapport à la stratégie de l'ANDRA et comment vous avez réagi contre? Moi, je me souviens d'une affiche qu'il y avait en été 2016 où il y avait écrit... En fait, on voyait une personne qui était sur le mur de l'ANDRA, que l'ANDRA avait fait autour du bois, et qui regardait par-dessus, et il y avait écrit « Il y a plus simple pour venir nous voir » et « Invitation aux portes ouvertes ». Voilà. Et du coup, il y a eu une réponse... C'était... Je crois qu'en fait, les gens sont allés au bois où il y avait ce mur le jour où le mur est tombé, avec des pancartes, avec cette campagne, mais détournée, en disant « il y a plus simple pour nous voir venir » ou un truc comme ça. Ah oui, voilà. Bah oui. Moi, j'ai d'autres petits exemples. L'affiche de cette année pour les portes ouvertes de l'ANDRA, c'est une affiche où il y a plein de fûts de déchets nucléaires dessus. Et le labo en arrière-plan. Alors que en fait, ce projet n'est pas encore du tout voté. Ce projet est juste un projet. Et pour l'instant, ils se vantent que justement, il n'y a pas encore de déchets nucléaires au labo. Donc quand ils font les portes ouvertes, ils mettent cette affiche partout dans les villages autour. Ils font ça tous les ans, les portes ouvertes, en ouais, plus. Tous les ans. Tous les ans le 15 septembre. Et du coup, c'est les habitants du coin qui ont surtout beaucoup réagi en disant mais en fait, c'est du gros foutage de gueule. Parce que depuis le début, ils nous disaient, au début, quand ils ont installé le labo, ils disaient rassurez-vous, c'est juste un laboratoire expérimental pour contrôler le sol, il n'y aura jamais de déchets nucléaires. Et ensuite, ils ont changé en disant oui, bah, en fait, on va faire le projet CIGEO. Mais le projet CIGEO, les galeries et tout ça, c'est pas le labo actuel. Le labo actuel, il n'est pas au bon endroit. Ouais. Les galeries, elles seront sous le bois, elles ne seront pas au labo. Et donc là, mettre des gros déchets, enfin des gros barils de déchets nucléaires autour du labo actuel sur l'affiche et tout ça, c'est quand même assumer complètement la manipulation de la population, et la population, elle y a très bien réagi. Il y a eu en même très peu de temps après une manifestation donc à Joinville, donc 30 km au sud de Bure, où ils veulent faire une laverie pour les vêtements des personnels qui bossent dans les centrales nucléaires. Cette manifestation, du coup, elle était contre cette laverie. Elle était aussi contre, enfin anti-nucléaire. Et beaucoup de gens ont pris ces affiches qu'on a reçues dans nos boîtes aux lettres et tout ça, ont découpé les trucs de déchets et s'en sont fait des trucs à coller sur leurs vêtements pour lutter contre les déchets nucléaires. Donc en fait, c'est la pub dans le drap qui sert à faire les déguisements des gens dans les manifs anti-nuc. Ok, très bien. Ouais. Après, il faut savoir que les portes ouvertes du labo, actuellement, elles sont en chute libre. Cette année, il y a eu moins de 100 personnes. Voilà. Moins de 100 personnes, alors que d'habitude, il y a... L'année dernière, je crois que c'était le double. 200 personnes. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Hein. Sont pas très populaires non plus. Hein. Comment ça se passe avec la population locale? Les liens entre la population qui était déjà là avant et les militants, militantes qui sont arrivés après, genre par exemple pendant le camp VMC et après quand? Moi je peux pas trop dire pour le camp VMC, parce que j'y étais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que... La population actuelle, elle est quand même très âgée. C'est pas pour rien que cette zone-là a été choisie non plus. Il y a 7 habitants au kilomètre carré. Ouais. Ce qui est vraiment très très très peu. Et les villages, Bure, c'est 85 habitants. Mandre, donc, qui est à peu près à la même distance du bois et du labo que Bure, c'est 125 habitants. Les villages autour, c'est pas beaucoup plus. Et du coup, les habitants, ils sont pour la plupart totalement résignés concernant le labo. C'est, de toute façon, on est trop vieux pour pouvoir faire grand-chose. Ou alors c'est, de toute façon, moi, je verrai pas ça arriver. Je serai mort avant. Mais il y a une partie de la population qui est contre, quand même, qui nous soutient. Et ça se voit, par exemple, quand on se fait contrôler à Mandre, par exemple, on peut se réfugier dans certains jardins, en courant. Et les policiers n'ont pas le droit d'entrer dans les jardins. Hein. Ah ouais. Cool. Oui, c'est une propriété privée, quand même. Oui. Mais... Bon, des fois, ils ne gênent pas. Mais ça nous permet d'avoir des possibilités. Il y a des habitants qui gueulent contre les gendarmes quand ils nous font chier. C'est assez rare, mais ça se produit. Et il y a des habitants qui, par exemple, vont nous prêter un champ. Depuis plusieurs années, il y a un champ qui nous est prêté, qu'on peut cultiver. Ça nous arrive d'aider des habitants à faire leurs affouages. Alors, les affouages, c'est quand tu vas couper du bois dans les forêts. D'accord. Que la mairie donne une parcelle pour couper du bois pour se chauffer l'hiver. Donc nous, ça ne nous dérange pas trop d'aider les habitants qu'on a besoin pour faire leurs affouages. On a un tracteur collectif, il tombe des fois un peu en panne, mais des fois on prête à des habitants du coin qui ont des problèmes avec le leur. Des fois c'est l'inverse, des fois ils nous prêtent leur tracteur parce que le nôtre est tombé en panne. Il y a quand même de l'échange, il y a des habitants qui ont perdu de l'autonomie et du coup On leur offre volontiers les légumes du champ qu'on produit. Il y a de l'échange. Ouais. Il y a aussi des habitants qui sont contre nous, forcément. Avec toute la thune que l'Andra verse sur déverse plutôt sur les villages, il y a des habitants qui sont contre nous, il y a des habitants qui voient de leur intérêt à ce que l'Andra soit là, en termes d'emploi, en termes de graissage de pâtes, les chasseurs notamment, ils adorent l'Andra. Et du coup, il y a des habitants qui nous menacent, il y a des habitants qui nous dénoncent, il y a des habitants qui empoisonnent des chiens. Ouais, il y a eu ça. Mais on s'en sort plutôt bien en ce moment. Est-ce que à un moment donné, vous avez senti que des habitants qui plutôt avant s'en foutaient un peu du projet, d'un coup ils ont changé de bord et sont venus de votre côté? Ouais, il y a eu le village de Montier. Qui se trouve à peu près à 10 km de Bure, pas en direction de la forêt, dans l'autre sens. En fait, ils avaient un collège, parce que c'est un village plus gros, et c'était un collège de secteur, et l'Andra leur avait promis que le collège ne fermerait pas. Et le maire de Montier était assez sceptique, mais avait dit « Ok ». Et en fait, il y a 2 ans, ils ont décidé de fermer ce collège. Et il y a 2 ans, du coup, le maire de Montier a dit « Non, mais en fait, c'est... Depuis le début, en fait, je me retiens. Et puis, ils nous promettent des choses. Et en fait, là, en fait, non. » Et du coup, le village de Montier est devenu vraiment pote avec nous. Ouais, ils sont... C'est assez cool. C'est pas mal. Ils ont vraiment reviré. Et il y a des gens qui... des habitants des villages dans lesquels on habite, qui en fait en ont marre de voir la gendarmerie, qui en ont marre de se faire contrôler parce que eux aussi se font contrôler, parce que les gendarmes sont suffisamment stupides pour pas comprendre que il y a une tranche d'âge en fait des opposants dans le coin. On est majoritairement entre 18 et 25-30 ans, et que les habitants, ils ont plus de 30 ans en général dans le coin. D'accord. C'est quand même pas con, quoi. Et donc ils contrôlent quand même les habitants du coin. Et les habitants du coin en ont marre de se faire contrôler, en ont marre de nous voir nous faire contrôler, en ont marre de voir les gendarmes passer 10-12 fois devant les maisons dans le village par jour. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est 10-12 fois par jour. Ils en ont marre de, dès qu'il y a un événement organisé par nous ou par l'Andra, qu'il y ait le triple de gendarmes sur place et qu'il y ait des points de contrôle partout autour. Et du coup... ils comprennent que c'est pas nous le problème. Il y en a qui disent que c'est nous, mais ils sont un peu bornés, ils vont pas tarder à changer. Je pense que ça a dû aussi être un peu la même pour la manif qu'il y a eu à Nancy récemment en septembre, où du coup le maire de Nancy avait fait fermer tous les commerces, tout ça, parce que il y avait des méchants casseurs, casseuses qui allaient venir et tout. Et en fait, il ne s'est rien passé. Du coup, il a dû se sentir un peu con quand même. Bah ouais, il y avait quand même énormément de flics à cette manif. Genre vraiment beaucoup, beaucoup. C'était assez incroyable. On se serait cru à Paris pendant une manif nationale ou un truc comme ça. Et ils ont contrôlé toutes les personnes dans les cars qui arrivent à Nancy. Et en fait, il ne s'est rien passé durant cette manif. Si, il y a une vitrine de brisée, mais moi, je ne l'ai même pas vue. T'étais beaucoup grand. Voilà. Mais c'est tout. Et du coup, c'était tous les journaux, c'était là, ouais, ils vont mettre le feu à Nancy, il y a des black blocs qui arrivent depuis l'Allemagne, des black blocs qui arrivent depuis l'ouest de la France. Et en fait, non. Comment les rendre ridicules? Bah, c'était un peu ça, ouais. Moi, j'ai quelque chose à dire sur le lien avec les locaux. Je pense que c'est en tout cas important de faire du lien avec les gens qui vivent à côté de nous et voilà. Mais après je pense que la lutte à Bure, c'est pas qu'une lutte contre un projet qui est dans ce territoire là et c'est pas une lutte contre une mauvaise solution d'enfouissement, enfin de gestion des déchets nucléaires. C'est aussi contre le nucléaire et contre la société qui participe, qui est lié à cette production énergétique. Et du coup, enfin, moi je voudrais que ce soit une lutte plus décentralisée en fait, qu'il y ait plus de liens avec d'autres lieux de lutte et d'autres collectifs dans d'autres villes. Et les gens que ça concerne, ce projet, en fait, c'est pas que les gens qui vont, enfin, qui habitent sur place. C'est aussi tous les gens qui habitent dans les pays qui se font piller. C'est une échelle mondiale, quoi, globale. Le nucléaire, c'est un problème du système capitaliste en général et donc de la domination de différents pays. C'est aussi pour la réappropriation de nos vies aussi, quoi. Un peu. Ouais, bah c'est une lutte, comme tu disais, en fait, c'est une lutte anticapitaliste, clairement. et anticolonialiste, parce que en fait, actuellement, les pro-nucléaires, j'adore leurs arguments, c'est l'énergie verte, le nucléaire, c'est wouhou, zéro consommation de carbone. Ouais. C'est pas une énergie renouvelable, hein, faut pas y exagérer non plus, mais c'est vert, c'est super. Oui, mais ils oublient toute l'extraction du minerai d'uranium en fait qui se fait en Afrique, dans les pays africains, qu'il y a des millions de gens qui en meurent en fait, parce que c'est l'extraction de l'uranium, c'est un, radioactif, deux, c'est des produits chimiques qui sont déversés partout et qui polluent tous des pays entiers, enfin c'est hyper dégueulasse, hein, c'est... Il y a eu des contacts de fait avec des collectifs là-bas, mais c'est très dur de s'organiser avec des collectifs. Et après, récemment, en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens qui cherchent à créer des liens avec des collectifs anticoloniaux. Et par exemple, à Lyon, là, il y a des discussions avec le collectif Survie. Je ne sais plus quelle date c'est, mais voilà. Et il y a eu des rencontres à Grenoble qui justement voulaient être anti-nucléaire et anti-colonial et du coup faire des lectures ensemble sur des ouvrages et plus faire le lien en fait pour plus nommer qu'est-ce que c'est le nucléaire et comprendre les enjeux que ça représente. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter ? Oui, je peux commencer. Ouais, vas-y. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que Bure, c'est peut-être loin, c'est peut-être le trou du cul du premier du monde, enfin de la France en tout cas. c'est peut-être bourré de gendarmes, mais en fait, nous, on y vit. Et on est totalement partant pour que des gens viennent nous rejoindre. Ok, en hiver il fait très froid, en été il fait très chaud, mais c'est le climat continental et des fois c'est cool. Et on a énormément de place pour ceux qui viennent nous rejoindre. Il y a vraiment de la place. ça, il n'y a pas de problème. Il y a des trucs à faire. On continue à organiser des semaines d'atelier, on continue à faire des chantiers pour aménager nos lieux de vie. Et du coup, si vous voulez venir, à l'improviste ou pas, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Okay. Ouais, moi je pense que c'est vraiment chouette s'il y a des collectifs ou des gens qui veulent proposer aussi de faire un événement à Bure et juste qui envoient un mail, je sais pas s'ils veulent présenter un livre ou un film ou faire une discute ou un atelier, enfin voilà. Que c'est vraiment chouette en fait s'il y a des gens comme ça qui veulent proposer qu'elles n'hésitent pas et au-delà de Bure, enfin c'est complètement possible de décentraliser cette lutte et en fait à Nantes je pense qu'il y a 1000 choses à faire. Je sais pas si tu voulais parler des monstres de CIGEO. Ouais, il y a du coup ce site que j'ai déjà évoqué, les monstres de CIGEO. noblog.org, je crois, ouais, c'est ça. qui du coup sur ce site il y a non seulement ces fichiers des fichiers piratés en fait qui ont été piratés du plus gros sous-traitant de l'Andra sur le sujet de sur le projet CIGEO, mais il y a aussi une très très jolie map interactive avec tous les sous-traitants de l'Andra et où ils se trouvent, et il y en a partout en France. Okay. Du coup, les actions décentralisées, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut être du truc plutôt pacifiste, de on va écrire un truc sur le mur, ou on fait une manif devant, ou un truc comme ça. Beaucoup plus, enfin, ça dépend comment les gens voient les choses. Voilà. Et sinon, les comités de soutien, ça nous a beaucoup aidé quand on était dans la merde, quand on n'avait plus rien, quand on était seul et tout ça. Et on trouve ça vraiment important de recevoir de temps en temps des nouvelles, ou quand il y a des choses, par exemple la réoccupation qui n'a pas duré longtemps, mais après de recevoir des photos de gens qui ont fait une banderole à la Schlag ou très jolie en disant soutien à Bure, et ben nous ça nous met du baume au cœur, et on est vraiment contents de ça, quoi.